إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué le cours précédent l'avènement du prophète Zacharie عليه الصلاة والسلام. Et parmi les faits marquants de son récit et de sa vie est ce qu'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Zacharie, malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse, demanda un enfant qui puisse lui succéder dans la prophétie et la fonction de chef religieux pour les enfants d'Israël. Allah va entendre les invocations et supplications de son prophète et va lui accorder un fils. Ce sont les anges qui seront chargés de lui annoncer la bonne nouvelle. Allah dit tabarak wa ta'ala dans le sens des versets, « Ô Zacharie, nous t'annonçons un fils dont le nom sera Yahya. Personne avant lui n'a porté ce nom. » Et cela est expliqué par la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, « Les anges l'appelèrent alors qu'il priait debout dans le lieu d'adoration. Voilà qu'Allah t'annonce la bonne nouvelle de la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, et un prophète parmi les prophètes virtueux. » On remarquera ici que c'est Allah lui-même qui donna le nom à cet enfant. Personne avant lui ne fut appelé ainsi. Son nom signifie « celui qui vit », et ce nom correspond en tout point à la vie de ce grand prophète, Yahya, qui vécut une vie réelle et physique, ainsi qu'une vie spirituelle qui est la vie du cœur et de l'âme, et cela par la révélation, la science religieuse et son application. Ibn Kathir continue et dit « Lorsqu'on lui annonça la réalisation de cette bonne annonce et que lui-même la réalisa, il s'efforça d'avoir un enfant dans sa situation. Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis très âgé ? C'est-à-dire comment un vieillard peut-il avoir un enfant ? On rapporte qu'il avait alors 77 ans, mais le plus probable, et Allah est plus savant, est qu'il fut plus âgé encore. » Le terme employé ici dans Surat Maryam est Utiya. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ Utiya ou bien Itiya. La majorité des lecteurs le lisent avec le Dhamma, Utiya, et la minorité le lisent avec la Kasra, Itiya. Le terme ici employé de Utiya ou bien Itiya qui s'utilise lorsqu'on veut décrire une branche ou un morceau de bois sec, facile à casser, est utilisé ici pour montrer que Zacharie, de par son âge avancé, avait des os qui étaient devenus tels des brindilles de bois séché, friables et faciles à casser. Puis il dit « Ma femme est stérile, même dans sa jeunesse, elle n'avait jamais enfanté. » Et Allah est plus savant. C'est ce qu'avait dit également Khalilullah, l'ami privilégié d'Allah, tabarak wa ta'ala, Ibrahim. Qala abashartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashirun. Rapporté dans la sourate numéro 15, verset 54. Il dit, m'annoncez-vous cela alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? De même, Sarah, son épouse, avait dit, qalat ya waylata. أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Sourate numéro 11, le verset 72 et le verset 73. Malheur à moi, dit-elle, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard, en parlant de Ibrahim? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Une remarque est à soulever ici. Est-ce que l'on peut qualifier les paroles et invocations de Zacharie, alayhi salatu wa salam, comme étant des lamentations? Peut-on dire de lui qu'il se plaint de son sort? Il est clair, étant donné son rang de prophète, qu'il n'est pas en train de blâmer sa situation ou se lamenter à la manière des ignorants qui, lorsqu'ils sont privés de biens ou encore touchés par la maladie, par des épreuves, par des catastrophes ou autres, se lamentent et n'acceptent pas ce qu'Allah leur a décrété. Ici, Zacharie, alayhi salat wa salam, cite à sa faiblesse, son âge avancé, la stérilité de son épouse, non pas par le fait qu'il conteste cela ou n'accepte pas ce décret universel d'Allah, tabarak wa ta'ala, mais tout simplement pour invoquer la miséricorde d'Allah et qu'Allah lui fasse don d'un fils. C'est ce qu'on appelle en arabe « al-istirham », c'est-à-dire implorer la miséricorde d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et cela en montrant et en extériorisant son état de faiblesse, son état d'indigence, son état d'humiliation devant Allah, tabarak wa ta'ala. Je referme la parenthèse. Ibn Kathir continue et dit « Allah exauça Zacharie, alayhi salat wa salam, et l'ange qui l'inspirait sur ordre d'Allah, lui dit « Certes, ton Seigneur a dit « Ceci m'est facile ». Et je t'ai créé avant cela alors que tu n'étais rien. C'est-à-dire, c'est par sa puissance que tu existes alors que tu n'étais rien. Tu n'existais même pas. Alors, n'est-il pas capable de tirer de toi un enfant malgré ton âge? La réponse est oui, bien sûr. Allah, tabarak wa ta'ala, dit aussi, nous l'avons exaucé. Nous lui avons donné Yahya et avons redonné la fécondité à son épouse. Il s'empressait de faire le bien et nous invoquait par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Littéralement, Allah a dit « Wa aslahna lahu zawja » c'est-à-dire nous avons rectifié, nous avons guéri son épouse. Ainsi, son épouse, qui n'était pas menstruée jusque-là, le devint. Allah dit tabaraka wa ta'ala « Ô Seigneur, donne-moi un signe » c'est-à-dire « Avertis-moi par un signe lorsque ma femme sera enceinte. » Allah lui dit alors « Ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits » bien que tu sois en bonne santé. Nous trouvons aussi que dans la sourate de Ali Imran, Allah lui dit qu'il ne pourra parler aux gens pendant 3 jours. Sur la base de ceci, beaucoup de commentateurs du Coran ont réuni les deux versets en disant qu'en fait, ce qui est voulu ici, ce sont 3 jours et 3 nuits successives. 3 jours et 3 nuits successives. D'autres savants ont dit que le terme de nuit ici est un synonyme du terme de jour. Autrement dit, soit 3 jours, soit 3 nuits. Quoi qu'il en soit, le signe en sera que tu seras incapable de parler aux gens pendant 3 jours, sinon par des indications et des gestes, bien que tu sois sain de corps et d'esprit. Puisqu'Allah lui dit, tabarak wa ta'ala, ثلاث ليال سوية. Le terme de sawiya ici renvoie au pronom, à la deuxième personne du singulier qui renvoie à Zacharie. C'est-à-dire qu'Allah lui enlèvera le don de la parole pendant ces 3 nuits, bien que, de manière générale, il était en bonne santé. Il avait ce don de la parole, il parlait aux gens de manière normale et habituelle. Le signe en sera que tu seras incapable de parler aux gens pendant 3 jours, sinon par des indications et des gestes, bien que tu sois sain de corps et d'esprit. Sawiya. On lui ordonna de multiplier la mention d'Allah, tabarak wa ta'ala, avec le cœur dans cette situation, matin et soir. De même, comme l'a souligné l'imam Abdurrahman ibn Sa'di, il lui était interdit de s'entretenir avec les gens. Il devait juste invoquer Allah, le louer et le glorifier avec son cœur. Lorsqu'on lui fit cette annonce, il sortit joyeux du sanctuaire vers son peuple. Il leur fit signe de prier matin et soir, en signe de reconnaissance vis-à-vis d'Allah, tabarak wa ta'ala, qui leur donnera, comme successeur à Zacharie, un prophète. Un prophète qui sera chef, chaste, vertueux, parmi les prophètes vertueux qui l'ont précédé. Autrement dit, dès que sa femme tomba enceinte, Zacharie recouvra le don de la parole comme signe que sa femme venait de tomber enceinte. Puis, le temps a passé jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne le moment où Yahya devint un enfant. il s'adressa à lui en disant « Ô Yahya, tiens le livre avec force. » Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Allah mentionne l'avènement du fils conformément à l'annonce divine faite à son père Zacharie. Alors qu'il était tout jeune enfant, il lui a enseigné le livre et la sagesse alors qu'il était tout jeune enfant avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. Il dit ensuite, ainsi que de la tendresse de notre part, c'est-à-dire nous lui avons octroyé de la tendresse de notre part. Nous lui avons procuré de la tendresse de notre part. Nous lui avons procuré de la tendresse de notre part. Ibn Jarir rapporte d'après Ibn Abbas, Mujahid, Akrima, Qatada, Al-Tahak, que ainsi que de la tendresse de notre part signifie une miséricorde de notre part, que nous avons accordé à Zacharia en lui faisant ce don par ce fils. Quant à la pureté, Wazakatan, il s'agit là de la pureté de l'âme, de tous les défauts et de tous les péchés. Wahananan min ladunna wazakatan. Wakana taqiyya, et il était pieux. La piété sous-entend ici l'obéissance d'Allah en se soumettant à ses commandements et s'éloignant de ses interdits. Puis Allah tabaraka wa ta'ala mentionne sa bonté envers ses parents, l'obéissance qu'il leur vouait dans ce qu'ils ordonnaient et interdisaient, et son délaissement de la désobéissance tant en parole qu'en acte vis-à-vis de ses deux parents. Il était pieux, wa kana taqiyya, wa barram bi walidayhi. Il était bon envers ses deux parents, wa lam yakun jabbaran asiyya. Et il n'était ni tyrannique ni désobéissant. Il dit ensuite, wa salamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Ces trois moments sont les plus difficiles dans la vie de l'homme, car il passe à chaque fois d'un monde à un autre, abandonnant dans le premier, après qu'il s'y fut habitué et l'ait connu, pour passer dans un autre monde où il ne sait pas ce qu'il l'attend. C'est pour cela qu'il pleure et crie lorsqu'il quitte le sein maternel, pour venir affronter les soucis et angoisses de ce bas monde. De même, lorsqu'il quitte cette vie pour le monde de la tombe avant la demeure éternelle, quittant les maisons et les palais pour la cour des morts et des tombes, attendant que l'on souffle dans la trompe pour annoncer la résurrection et le rassemblement. Ce jour-là, il y aura des réjouis et ravis de leur situation et d'autres tristes et voués à la perdition. Une partie au paradis et l'autre en enfer. Et quelle belle parole que celle du poète « Waladatka ummuka bakiyan mustasrikha » والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. Ta mère t'a mis au monde pleurant et criant, alors que les gens autour de toi se réjouissent en riant. Ainsi efforce-toi, lorsque eux pleureront, le jour où tu mourras, d'être de ceux qui riront et se réjouiront. Ces trois situations étant les plus difficiles dans la vie de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Yahya dans chacune d'elles en disant « Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. » C'est-à-dire qu'Allah l'a préservé de Satan, du Shaitan, le jour de sa naissance, le préservera toute sa vie des tentations destructrices, le préservera à sa mort des châtiments de la tombe et au jour du jugement contre le châtiment du feu. On a dit que dans la parole qui a été citée dans la sourate de Ali Imran, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin, il sera un chef, un chaste et un prophète parmi les prophètes vertueux. Le terme de hasour ici signifie chaste, c'est-à-dire il désignait celui qui n'avait pas de rapport charnel avec les femmes. Et même si d'autres avis ont été émis concernant le sens de ce terme, ce sens reste le plus probable en raison de sa demande « Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente progéniture. » Il n'a pas demandé un fils, mais il a demandé un wali. « Wahabli min ladunka waliya, walam yakul wahabli min ladunka walada. » Il a demandé un wali, c'est-à-dire un enfant pieux qui puisse lui succéder dans le rôle de prophète, le rôle de chef, le rôle de guide, le rôle de leader pour les enfants d'Israël, avec tout ce que cela implique comme soumission et obéissance vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et délaissement des interdits quels qu'ils soient. L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. Tout fils d'Adam a commis une faute ou y a pensé, sauf Yahya ibn Zakariya. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed est authentifié par Cheikh al-Albani sous le numéro 2984 de As-Silsila Sahiha. L'imam Ahmed rapporte d'après Al-Harith al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a prescrit à Yahya 5 paroles et lui a ordonné de les appliquer et de les faire appliquer aux enfants d'Israël. Yahya voulut retarder cela. Et Isa alayhi salat wa salam, qui est son cousin maternel, lui dit: on t'a prescrit 5 paroles que tu dois mettre en application et que tu dois faire appliquer aux enfants d'Israël. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Yahya lui répondit: oh mon frère, si tu le fais avant moi, je crains d'être châtié ou que la terre ne m'engloutisse. Yahya rassembla alors les enfants d'Israël à Beit el-Maqdis jusqu'à ce que le temple soit rempli. S'assit sur la chaire ou sur un endroit surélevé, loua Allah et fit ses éloges, puis leur dit: Allah, Azza wa Jal, m'a prescrit 5 paroles en m'ordonnant de les mettre en application et de vous ordonner de les appliquer. La première est que vous adoriez Allah sans lui donner d'associé. L'exemple de cela est comme celui qui achète un esclave avec ses biens d'or ou d'argent, mais cet esclave se met à travailler pour un autre que son maître et à lui donner sa récolte. Qui parmi vous serait heureux que son esclave soit ainsi? Ainsi, c'est Allah qui vous a créé et qui assure votre subsistance. Adorez-le donc et ne lui associez rien. La deuxième est que je vous ordonne d'accomplir la prière, car Allah se tourne vers son serviteur qui prie tant que celui-ci ne détourne pas son visage. Aussi, lorsque vous priez, ne détournez pas vos visages. La troisième est que je vous ordonne de jeûner. Et l'exemple de cela est celui d'un homme qui a une bourse pleine de musc et qui se trouve au milieu d'un groupe d'hommes. Tous sentent l'odeur du musc. Or, la laine du jeûneur est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. La quatrième est que je vous ordonne de faire l'aumône. L'exemple de cela est celui d'un homme emprisonné par les ennemis qui lui ont attaché les mains derrière le cou et s'apprête à l'exécuter. Il leur dit alors: accepteriez-vous que je me rachète et que je rachète ma liberté? Il se racheta alors au fur et à mesure jusqu'à retrouver sa liberté. La cinquième est que je vous ordonne de mentionner Allah abondamment. L'exemple de cela est celui d'un homme poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Or, c'est dans l'évocation que l'homme est le plus à l'abri du diable. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: moi aussi, je vous ordonne de faire 5 choses qu'Allah m'a prescrites. Ce sont l'attachement au groupe des musulmans, al-jama'a, l'obéissance, la soumission, al-sam'u wa ta'a, l'émigration pour Allah, al-hijratu, et le combat sur le sentier d'Allah, wal-jihad fi sabilillah. Celui qui se sépare du groupe d'un enfant se défait des liens de l'islam à moins qu'il ne revienne. Et celui qui invoque à la manière de l'époque anti-islamique servira de pierre pour l'enfer. On lui dit: ô messager d'Allah, même s'il jeûne et prie? Il leur répondit: même s'il jeûne et prie et prétend être musulman. Appelez les musulmans par leur nom, par les noms qu'Allah leur a donnés, les musulmans, les croyants et les serviteurs d'Allah. Fin du hadith. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami' sous le numéro 1724. Parmi les mérites de Yahya ibn Zakariya, il y a ce qu'a rapporté Ibn Hibban dans son Sahih d'après Abu Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Hasan wal-Husayn sayyida shabab ahli al-Jannah illa ibnay al-Khala, Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya. Al-Hasan ainsi que al-Husayn sont les chefs des enfants du paradis, excepté des deux cousins maternels, Isa fils de Maryam et Yahya fils de Zakariya. Autrement dit, Al-Hassan ou Al-Hussein seront les chefs de tous ceux qui mourront en tant qu'enfants et qui y rentreront au paradis. Seulement, ici, lorsque l'on parle de shabab dans ce hadith, cela signifie un âge relativement jeune. En réalité, les savants expliquent qu'au paradis, les gens auront l'apparence d'hommes ou de femmes jeunes. Donc, ce hadith a une portée générale, dans le sens que Al-Hassan ou Al-Hussein seront les chefs des enfants du paradis, en réalité seront les chefs de tous les gens du paradis, excepté ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté. Parmi les exceptions, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas sous la tutelle de Al-Hassan ou Al-Hussein au paradis, il y a les prophètes, il y a les messagers, il y a aussi les califes bien guidés, et il y a ce qu'a cité ici le prophète Aïssa, Isa, fils de Maryam, et Yahya, fils de Zakaria, qui n'auront pas comme chef Al-Hassan ou Al-Hussein. Cela montre le mérite de ces deux grands prophètes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné à de nombreuses reprises dans le Coran. Ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban sous le numéro 6959 et authentifié par Sheikhun al-Albani dans Sahih al-Jami' sous le numéro 3181. Pour finir, l'imam Ibn Kathir rahimallah tabaraka wa ta'ala va rapporter quelques récits, quelques textes des circonstances de la mort de Yahya. Les exégètes ont rapporté au sujet de son assassinat plusieurs causes. La plus connue prétend qu'un roi de Damas à l'époque voulut épouser une de ses proches ou une femme qui lui était interdite au mariage. C'est-à-dire soit une de ses proches comme sa sœur, sa petite-fille, sa tante, ou alors une femme qui lui était interdite au mariage, c'est-à-dire une femme qui était déjà mariée à une personne. Yahya alayhi salatu wassalam le lui interdit, la femme lui garda alors rancune et voulut se venger de lui. Un jour, alors qu'elle était en compagnie du roi dans une situation où il ne pouvait rien lui refuser, elle exigea de lui qu'il lui fasse don du sang de Yahya. Et le roi accepta. Elle envoya alors quelqu'un pour le tuer et lui ramener sa tête et son sang dans une bassine. On rapporte qu'elle mourut aussitôt après cela. On a également divergé sur le lieu de l'assassinat de Yahya ibn Zakaria. Est-ce dans la mosquée d'Al-Aqsa ou ailleurs? Il y a en cela deux avis. L'imam al-Thawri rapporte d'après Ibn Atiyya que 70 prophètes furent tués sur le rocher de Bayt al-Maqdis, parmi lesquels Yahya ibn Zakaria alayhi salam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam rapporte d'après Saïd ibn al-Musayyib que lorsque le Burhan al-Nassar arriva à Damas, il trouva le sang de Yahya ibn Zakaria qui bouillait. Il interrogea à ce sujet et on lui répondit que c'était le sang de Yahya ibn Zakaria. Puis il tua 70 000 personnes sur son sang qui cessa alors de bouillonner. C'est là un récit attribué authentiquement à Saïd ibn al-Musayyib et cela implique qu'il soit mort à Damas. Tout cela n'est pas appuyé par des textes authentiques et par conséquent doit être relaté au conditionnel. Ainsi se termine le récit de ces deux grands prophètes contemporains du prophète Isa alayhi salatu wassalam. Ils étaient pieux, dévoués à la cause d'Allah, ordonnant le convenable et interdisant le blâmable. Ils étaient tous deux, à l'instar des prophètes et des messagers, des phares éclairants permettant aux gens de se guider et de trouver la voie et le salut. Ils restent, comme tous les prophètes et messagers, des exemples et modèles pour nous, les croyants. Et c'est la raison principale pour laquelle Allah les a mentionnés dans son livre. Alayhim as-salam. Nous entamerons le cours prochain, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, le récit de Isa ibn Maryam et de sa mère Maryam, alayhim as-salam. Wa nas'Allah tabarak wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha. ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته